Chapitre 22e, le vicomte Jean. Le jeune lieutenant des gendarmes Dauphin, car c'était bien lui, sauta bas de son cheval à l'aspect de la scène bizarre qui commençait à rassembler autour de l'hôtel de la Poste toutes les femmes et tous les enfants du village de la Chaussée. En apercevant Philippe, le maître de poste alla pour ainsi dire se jeter aux genoux de ce protecteur inattendu que la Providence lui envoyait. « Monsieur l'officier, cria-t-il, savez-vous ce qui se passe ?»« Non, répondit froidement Philippe, mais vous allez me le dire, mon ami. »« Eh bien, on veut prendre de force les cheveux de son Altesse royale, Madame la Dauphine. » Philippe dressa l'oreille en homme à qui l'on annonce une chose incroyable. « Et qui donc veut prendre les chevaux » demanda-t-il. « Monsieur, dit le maître de poste. » Et il désigna du doigt le vicomte Jean. « Monsieur, répéta Philippe. « Eh mordieu, oui, moi-même, dit le vicomte. « Vous vous trompez, dit Tavernet en secouant la tête. « C'est impossible. Ou monsieur est fou, ou monsieur n'est pas gentilhomme. « C'est vous qui vous trompez sur ces deux points, mon cher lieutenant, dit le vicomte. « On a sa tête parfaitement à soi, et l'on descend des carrosses de sa majesté, en attendant que l'on y remonte. « Comment ?» Ayant la tête à vous, et descendant des carrosses de sa majesté, osez-vous porter la main sur les chevaux de la dauphine? D'abord, il y a ici 60 chevaux. Son Altesse royale n'en peut employer que 8. J'aurais donc bien du malheur, si en prenant 3 au hasard, je prenais justement ceux de Madame la dauphine. Il y a 60 chevaux, c'est vrai, dit le jeune homme. Son Altesse royale n'en emploie que 8, c'est encore vrai. Mais cela n'empêche point que tous ces chevaux, depuis le premier jusqu'au 60e, ne soit à son Altesse royale, et vous ne pouvez admettre de distinction dans ce qui compose le service de la princesse. Vous voyez cependant que l'on en admet, répondit-il avec ironie, puisque je prends cet attelage. Faut-il que j'aille à pied, moi, quand des facs de laquais courent à 4 chevaux? Mordieu, qu'ils fassent comme moi, qu'ils se contentent de 3, et ils en auront encore de rechange. Si ces laquais vont à 4 chevaux, monsieur, dit Philippe en étendant le bras vers le vicomte, pour lui faire signe de ne pas s'entêter dans la voie qu'il avait prise, c'est que l'ordre du roi qu'ils aillent ainsi. Veuillez donc, monsieur, ordonner à votre valet de chambre de reconduire ces chevaux où vous les avez pris. Ces paroles furent prononcées avec autant de fermeté que de politesse, et à moins que d'être un misérable, on devait y répondre poliment. Vous auriez peut-être raison, mon cher lieutenant, de parler ainsi, répondit le vicomte, s'il entrait dans votre consigne de veiller sur ces animaux. Mais je ne sache point encore que les gendarmes dauphins aient été élevés au grade de palefrenier. Fermez donc les yeux, dites à vos hommes d'en faire autant et bon voyage. Vous faites erreur, monsieur. Sans être élevé ou descendu au grade de palefrenier, ce que je fais en ce moment rentre dans mes attributions, car Madame la Dauphine elle-même m'envoie en avant pour veiller sur ses relais. C'est différent alors, répondit Jean. Mais permettez-moi de vous le dire, vous faites là un triste service, mon officier. Et si c'est comme cela que la jeune dame commence à traiter l'armée ?»« De qui parlez-vous en ces termes ?» interrompit Philippe. « Et parle de l'Autrichienne !» Le jeune homme devint pâle comme sa cravate. « Vous osez dire, monsieur ? » s'écria-t-il. « Non seulement j'ose dire, mais encore j'ose faire !» continua Jean. « Allons, Patrice, attelons, mon ami, et dépêchons-nous, car je suis pressé !» Philippe saisit le premier cheval par la bride. « Monsieur, dit Philippe de Tavernet de sa voix calme, « vous allez me faire le plaisir de me dire qui vous êtes, n'est-ce pas ? Vous y tenez ? J'y tiens. Eh bien, je suis le vicomte Jean du Barry. Comment ? Vous êtes le frère de celle qui vous fera pourrir à la Bastille, mon officier, si vous ajoutez un seul mot. » Et le vicomte s'élança dans la voiture. Philippe s'approcha de la portière. « Monsieur le vicomte Jean du Barry, vous allez me faire l'honneur de descendre, n'est-ce pas ? Ah, par exemple, j'ai bien le temps, dit le vicomte en essayant de tirer lui le panneau vert. « Si vous hésitez une seconde, monsieur, » reprit Philippe, en empêchant avec sa main gauche le panneau de se refermer, « je vous donne ma parole d'honneur que je vous passe mon épée au travers du corps. » Et de sa main droite restée libre, il tira son épée. « Ah, par exemple, » s'écria Jean, « mais c'est un assassinat. Renoncez à ces chevaux, Jean, renoncez. »« Ah, vous me menacez, » grinça le vicomte exaspéré, en saisissant à son tour son épée qu'il avait posée sur la banquette de devant. Et la menace sera suivie d'effet. « Si vous tardez une seconde, une seule, entendez-vous ? » dit le jeune homme en faisant siffler son épée. « Nous ne partirons jamais, » dit Jean à l'oreille de Jean, « si vous ne prenez cet officier par la douceur. »« Il n'y a ni douceur ni violence qui m'arrête dans mon devoir, » dit Philippe en s'inclinant avec politesse. Car il avait entendu la recommandation de la jeune femme. « Conseillez donc vous-même l'obéissance à monsieur, ou au nom du roi que je représente, je me verrai forcé de le tuer, s'il consent à se battre, à le faire arrêter, s'il refuse. « Et moi, je vous dis que je partirai malgré vous !» hurla le vicomte en sautant du carrosse et en tirant son épée du même mouvement. « C'est ce que nous verrons, monsieur, » dit Philippe en tombant en garde et en engageant le fer. « Y êtes-vous ? » ?»« Mon lieutenant, » dit le brigadier qui commandait sous Philippe 6 hommes de l'escorte. « Mon lieutenant, faut-il... »« Ne bougez pas, monsieur, » dit le lieutenant. « C'est une affaire personnelle. »« Allons, monsieur le vicomte, je suis à vos ordres. » Mademoiselle Chomp poussait des cris aigus. Gilbert eût voulu que le carrosse fût profond comme un puits, afin d'y être mieux caché. Jean commença l'attaque. Il était d'une rare habileté dans cet exercice des armes, qui demande plus de calcul encore que d'adresse physique. Mais la colère ôtait visiblement au vicomte une partie de sa force. Philippe, au contraire, semblait manier son épée comme un fleuret et s'exercer dans une salle d'armes. Le vicomte rompait, avançait, sautait à droite, sautait à gauche, criait en se fendant à la manière des maîtres de régiment. Philippe, au contraire, avec ses dents serrées, son œil dilaté, fermé, immobile comme une statue, voyait tout, devinait tout. Chacun avait fait silence et regardait, chaud comme les autres. Pendant 2 ou 3 minutes, le combat dura sans que toutes les feintes, tous les cris, toutes les retraites de Jean aboutissent à rien, mais aussi sans que Philippe, qui sans doute étudiait le jeu de son adversaire, se fendît une seule fois. Tout à coup, le vicomte Jean fit un bond en arrière en jetant un cri. En même temps, sa manchette se teignit de son sang et des gouttes rapides coulèrent le long de ses doigts. Philippe, d'un coup de riposte, venait de traverser l'avant-bras de son adversaire. « Vous êtes blessé, monsieur, » dit-il. « Je le sens sacrebleu bien !» cria Jean en pâlissant et en laissant tomber son épée. Philippe la ramassa et la lui rendit. « Allez, monsieur, » lui dit-il, « et ne faites plus de pareilles folies. »« Peste, si j'en fais, je les paye, » gronda le vicomte. « Viens vite, ma pauvre Chonchon, viens » ajouta-t-il, s'adressant à sa sœur, qui venait de sauter à bas du carrosse et qui accourait pour lui porter secours. « Vous me rendrez la justice d'avouer, madame, » dit Philippe, « qu'il n'y a pas de ma faute, et j'en suis au plus profond regret d'avoir été poussé à cette extrémité de tirer l'épée devant une femme. » Et, saluant, il se retira. « Dételez ces chevaux, mon ami, et reconduisez-les à leur place, » dit Philippe au maître de poste. Jean montra le poing à Philippe qui haussa les épaules. « Ah, justement !» cria le maître de poste. « Voilà 3 chevaux qui reviennent. Courtin, Courtin, attelez tout de suite à la chaise de ce gentilhomme. »« Mais notre maître, » dit le postillon. « Allons, pas de réplique, » dit l'hôtelier. « Monsieur est pressé. » Cependant, Jean continua à pester. « Mon cher monsieur, » cria le maître de poste, « ne vous désolez pas, voilà des chevaux qui arrivent. »« Bon, » gronda du Barry, « ils auraient bien dû arriver une demi-heure, tes chevaux. » Et il regardait en frappant du pied son bras percé d'outre en outre que Chon bandait avec son mouchoir. Pendant ce temps, Philippe, remonté sur son cheval, donnait ses ordres comme si rien n'était arrivé. « Partons, frère, partons, » dit Chon, en entraînant du Barry vers la chaise. « Et mon arabe, » dit-il, « ah, ma foi, qu'il aille au diable. Je suis dans un jour de malheur. » Et il rentra dans la chaise. « Allons bon, » dit-il en apercevant Gilbert, « voilà que je ne pourrais pas allonger mes jambes à présent. » « Monsieur, » dit le jeune homme, « je serais désespéré de vous être important. »« Allons, allons, Jean, » dit Mademoiselle Chon, « laissez-moi mon petit philosophe. » « Qu'il monte sur le siège, parbleu, » Gilbert rougit. « Je ne suis point à la quai pour monter sur votre siège, » répondit-il. « Voyez-vous, » fit Jean, « laissez-moi descendre et je descendrai. »« Eh, mille diables, descendez !» cria du Barry. « mais non, mettez-vous en face de moi, » dit Chon, retenant le jeune homme par le bras. « De cette façon, vous ne dérangerez pas, mon frère. » et se pencha à l'oreille du vicomte. « Il connaît l'homme qui vient de vous blesser, » dit-elle. Un éclair de joie passa dans les yeux du vicomte. « Très bien, alors qu'il reste, comment s'appelle ce monsieur ?»« Philippe de Tavernay. » En ce moment, le jeune officier passait près de la voiture. « Ah, vous voilà, mon petit gendarme, » cria Jean. « Vous êtes bien fier à cette heure, mais chacun aura son tour. »« C'est ce que nous verrons, quand la chose vous fera plaisir, monsieur, » répartit Philippe, impassible. « Oui, oui, c'est ce que nous verrons, monsieur Philippe de Tavernay !» cria Jean, en essayant de saisir l'effet que son nom lancé ainsi inopinément ferait sur le jeune homme. En effet, Philippe leva la tête avec une vive surprise dans laquelle entra un léger sentiment d'inquiétude, mais se remettant à l'instant même et ôtant son chapeau avec la meilleure grâce du monde. « Bon voyage, monsieur Jean du Barry, » dit-il. La voiture partit avec rapidité. « Mille tonnerres !» dit le vicomte en grimaçant. Sais-tu que je souffre horriblement, petite Chon ? Au premier relais, nous demanderons un médecin pendant que cet enfant déjeunera, répondit Chon. Ah, c'est vrai, dit Jean, nous n'avons pas déjeuné. Quant à moi, le mal m'ôte la faim. J'ai soif, voilà tout. Voulez-vous boire un verre d'eau de la côte ? Ma foi, oui, donne. Monsieur, Gilbert, si j'osais vous faire une observation, faites, c'est que les liqueurs sont une bien mauvaise boisson dans la situation où vous êtes. Ah, vraiment ? Puis se retourne vers Chon. Mais c'est donc un médecin que ton philosophe ? Demanda le vicomte. Non, monsieur, je ne suis pas médecin. Je le serai un jour, s'il plaît à Dieu, répondit Gilbert. Mais j'ai lu dans un traité à l'usage des gens de guerre que la première défense qu'on doit faire à un blessé, c'est l'usage de liqueurs, vin et café. Ah, vous avez lu cela ? Eh bien, n'en parlons plus. Seulement, si monsieur le vicomte voulait me donner son mouchoir, j'irais le tremper dans cette fontaine. Il envelopperait son bras de ce linge mouillé et il en éprouverait un grand soulagement. Faites, mon ami, faites, dit Chon. Postillon, arrêtez ! Cria-t-elle. Le postillon s'arrêta. Gilbert alla tremper le mouchoir du vicomte dans la petite rivière. « Ce garçon-là va nous gêner horriblement pour causer, » dit du Barry. « Nous causons en patois, » dit Chon. « J'avais envie de crier au postillon de partir et de le laisser là avec mon mouchoir. Vous avez tort, il peut nous être utile. En quoi ? Il m'a déjà donné des renseignements d'une grande importance. Sur quoi ? Sur la dauphine. Et tout à l'heure encore, vous l'avez vu, il nous a dit le nom de votre adversaire. Eh bien, soit, qu'il reste. » En ce moment, Gilbert revenait avec son mouchoir imbibé d'eau glacée. L'application du linge autour du bras du vicomte lui fit grand bien, comme l'avait prévu Gilbert. « Il avait, ma foi, raison. Je me sens mieux, » dit-il. « Causons. » Gilbert ferma les yeux et ouvrit les oreilles, mais il fut trompé dans son attente. Chon répondit à l'invitation de son frère dans ce dialecte brillant et vif, désespoir des oreilles parisiennes, qui ne distingue dans le patois provençal qu'un ronflement de consonnes grasses roulant sur des voyelles musicales. Gilbert, si maître qu'il fût de lui-même, fit un mouvement de dépit qui n'échappa point à Mademoiselle Chon, laquelle, pour le consoler, lui adressa un gentil sourire. Ce sourire fit comprendre à Gilbert une chose, c'est qu'on le ménageait. Lui, le ver de terre, il avait forcé la main à un vicomte honoré des bontés du roi. Si André le voyait dans cette bonne voiture, il en gonfla d'orgueil. Quant à Nicole, il n'y pensa même point. Le frère et la sœur reprirent leur conversation en patois. « Bon !» s'écria tout à coup le vicomte en se penchant à la portière et en regardant en arrière. « Quoi ?» demanda Chon. « Le cheval arabe qui nous suit. »« Quel cheval arabe ?»« Celui que j'ai voulu acheter. »« Tiens, » dit Chon, « il est monté par une femme. »« Oh, la magnifique créature !»« De qui parlez-vous ? De la femme ou du cheval ?»« De la femme. »« Appelez-la donc, Chon. Elle aura peut-être moins peur de vous que de moi. »« Je donnerai 1000 pistoles du cheval. » « Et de la femme ?» demanda Chon en riant. « Je me ruinerai pour elle. Appelez-la donc. »« Madame !» cria Chon. « Madame !» Mais la jeune femme aux grands yeux noirs, enveloppée dans un manteau blanc, le front ombragé d'un feutre gris à longues plumes, passa comme une flèche sur le revers du chemin en criant « Avanti, Jerry, avanti !»« C'est une Italienne !» dit le vicomte. « Mordieu, la belle femme !»« Si je ne souffrais pas tant, je sauterais à bas de la voiture et je courrais après elle. »« Je la connais. » dit Gilbert. Ah ça, mais ce petit paysan est donc l'almanach de la province, il connaît tout le monde. Comment s'appelle-t-elle ? Demanda Chon. Elle s'appelle Lorenza. Et qu'est-elle ? C'est la femme du sorcier. De quel sorcier ? Du baron Joseph Balsamo. Le frère et la sœur se regardèrent. La sœur semblait dire : Ai-je bien fait de le garder ? Ma foi, oui, semblait répondre le frère.